Il est 18h sur Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 9 avril 2025. L'émission d'aujourd'hui sera la deuxième d'une série consacrée à la préparation des 8e rencontres d'histoire ouvrière que le Grémos a programmée pour les jeudis 11 et vendredi 12 décembre 2025 et qui s'attacheront à étudier le grand mouvement social de l'automne 1995. Et nous vous proposons aujourd'hui la diffusion de la conférence que Rémi Azémar, docteur en histoire des mouvements sociaux et syndicaux de l'Université de Rouen, a proposée le 2 avril dernier à l'ENS de Lyon sur les conditions d'émergence et la structuration du mouvement social de 1995. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Bonjour à tout le monde. Du coup, je vais vous présenter un... Je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse. Pour me présenter rapidement, j'ai fait un master 1 sur le syndicalisme en résistance, principalement sur la CGT, où j'essaie de montrer un peu le rôle de la CGT dans la construction de la résistance et l'unification des mouvements de résistance. Et après, j'ai fait un master 2 sur le modèle syndical français. À la libération, à travers également une étude de la CGT pour contredire des écrits d'historiens, historiennes des années, d'historiennes pour le coup des début des années 80 sur un modèle, sur un peu une gloire du modèle communiste et un peu mettre de la nuance sur ce modèle syndical à la libération et qui est aujourd'hui un peu pour moi 1945, la date charnière du syndicalisme en termes de modèle syndical. Et après, du coup, j'ai fait une thèse sur le mouvement de 95 entre 2019 et 2024. Et sinon, je suis formateur et je développe des outils d'éducation populaire en sciences sociales. Je vous ferai une petite promo à la fin. Ma thèse sur le mouvement de 95, je l'ai construite à partir de beaucoup d'archives. J'ai travaillé sur donc tous les départements que vous voyez un peu à l'écran. J'ai essayé de travailler vraiment sud-est, sud-ouest, nord-ouest, nord-est, la région centre, et travailler sur des départements qui sont plus ou moins urbains, avec des grandes métropoles comme Toulouse, Marseille, avec des plus petites villes comme Mont-de-Marsan, Guéret, Foix, Mâcon. Bon, on peut pas. À Gap, je suis même allé à Vesoul, alors bon voilà, c'est l'aboutissement, je pense, des territoires oubliés des luttes syndicales et sociales en France. Et j'ai travaillé principalement à partir de trois matériaux d'archives, les archives d'un côté étatiques, renseignements généraux, préfectures, des archives de presse. J'ai étudié, j'ai vu 3 mois de 20 heures, j'ai étudié tout Ouest France, tout Sud-Ouest, la Dépêche, plein de presse régionale aussi. Et après, beaucoup d'archives militantes, que ce soit des archives personnelles de syndicalistes ou des archives plus syndicales, et notamment deux centres d'archives qui me tiennent un peu à cœur, c'est le Centre d'Histoire du Travail à Nantes et le CRAS à Toulouse sur les archives plutôt du monde autonome. Et voilà, donc ça c'est un peu mes entrées sur le mouvement. J'ai aussi étudié les archives de la SNCF, donc les archives d'entreprise aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est... Et enfin, un peu pour un historien plus original que pour des sociologues, mais j'ai fait de l'histoire orale à partir d'entretiens. Et cette histoire orale, j'ai pas voulu concentrer sur les figures du mouvement de 95, donc j'ai enquêté, j'ai fait des enquêtes auprès de deux responsables cheminots, mais après j'ai plutôt travaillé avec des lycéens à Rouen, quelqu'un qui était étudiant au Mirail ou à Paul Sabatier, une personne qui était pas syndiquée, enfin voilà, essayer de trouver un panel de gens qui représentent un peu le mouvement de 95, donc des gens qui étaient oui, des responsables syndicaux, mais aussi en fait la majorité des gens qui n'étaient pas syndiqués et qui sont, ça peut être leur première grève, première manif. Et donc voilà, c'est. Et dernier élément sur mon terrain, bon, vu que j'ai pas de financement, je suis pas allé dans les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer pour étudier le mouvement de 95, mais par contre, je suis allé à la BNF voir toutes les presses locales. Et dans les archives syndicales, j'ai remonté un peu tout ce qui avait pu être fait en Martinique, en Guadeloupe, en Kanaky, ben voilà, dans tous les, j'ai regardé toutes les presses. Et c'est un mouvement qui, je le dis maintenant parce que j'en reparlerai pas dans cette intervention, mais qui a existé de manière assez importante dans certains territoires d'outre-mer et qui a pas du tout été écrit à. Ni discuté à l'époque, en 95, malgré des actions, des occupations de fac de plus de 2 semaines, des actions fortes, des manifs. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais parler de deux éléments. Le premier, c'est les causes du mouvement et expliquer les schémas de structure de. Moi, ce que j'appelle l'émergence du mouvement social. Et après, dans un deuxième temps, parler de organisation et structuration du mouvement de 95, pour avoir un petit panel. Et je ne parlerai pas de tous les autres pans de ma thèse, mais on pourra en discuter si vous avez d'autres envies de savoir des choses sur le mouvement de 95. Je le place directement donc dans les causes du mouvement de 95. Le mouvement de 95, c'est quand même principalement un mouvement qui va s'opposer, d'ailleurs c'est le slogan principal, c'est non au plan Juppé. Le plan Juppé, c'est un plan qui concerne la sécurité sociale. La sécurité sociale, un enjeu qui est malheureusement très oublié dans le syndicalisme. Et très peu connu des militants et militantes, autant le fonctionnement de la sécurité sociale, etc. Bon, ça a été très bien travaillé dans le livre de Nicolas Da Silva sur la bataille de la Sécu. Moi, ce que je vais un peu vous expliquer très rapidement, c'est que en 1995, il y a sur la sécurité sociale, le plan Juppé prévoit trois grands axes. Il prévoit de 1. Celui qu'il a réussi à mettre en place et qui est des plus grandes défaites, à mon sens, du mouvement ouvrier, c'est-à-dire l'étatisation de la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, il faut savoir que c'était géré à 75%. À la base, c'était la volonté du Conseil national de la résistance et de la CGT dans la résistance, c'était que ça soit géré entièrement par les travailleuses et travailleurs, dans l'idée que le patronat paye un coût du travail. Et les salariés décident de mettre entre ce qu'ils vont percevoir, c'est-à-dire leur salaire net, et le coût du travail, de l'argent en commun, c'est-à-dire le salaire socialisé. Donc le patronat n'avait en quelque sorte aucun mot à dire dans la tête des syndicalistes de l'époque, parce que c'est de l'argent qui est mis en commun par les salariés et non pas par le patronat. Et du coup, déjà en 1995, on avait déjà eu pas mal d'attaques sur notamment la gestion paritaire qui intervient en 67. Donc on a déjà, avant 1995, le patronat et les syndicats qui ont, pour la direction des caisses de sécurité sociale, moitié des voix, moitié des voix. Donc dans cette situation-là, vous imaginez bien, si y a 30% de MEDEF, 20%, enfin de CNPF à l'époque, 20% de CGPME, 10% de force ouvrière, 40% de CGT, le patronat allait voter force ouvrière. C'est pour ça que les directions de caisse étaient très peu à la tête, enfin très peu de CGT avaient des directions de caisse, parce que en report de voix, le patronat se reportait tout le temps sur Fosse-Ouvrière. Ou sur, après on va voir la CFDT. Donc c'est les syndicats les moins contestataires qui vont bénéficier des directions de caisse. Donc l'étatisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a vu depuis et qu'on a vu en 2019 notamment et en 2023, c'est les PLFSS, les plans de financement de la sécurité sociale qui font que le gouvernement peut décider de basculer de l'argent sur telle branche, vieillesse, maladie, de dire que la branche vieillesse, elle ne rapporte pas assez, et donc si la branche vieillesse ne rapporte pas assez, il faut augmenter le temps de travail. Et donc tout ça ne sont que des décisions gouvernementales parce que le gouvernement est plus à même de gérer la sécurité sociale. Donc c'est tout le discours qu'on a en 94, en 93, mais même de, je sais pas, un dessin de Plantu qui va moquer de Marc Blondel qui se mettrait de l'argent de côté, qui gérerait très mal les caisses de sécurité sociale. Et il y a cette image-là que le syndicat n'est pas un bon gestionnaire. Et que l'État, le gouvernement, serait un meilleur gestionnaire et qu'on aurait moins de dettes de sécurité sociale. Donc le plan Juppé, il est pensé dans cette idée-là, donc de faire des économies, de faire une austérité budgétaire et du coup de diminuer les qualités de soins, parce que c'est ça qui va avec. Notamment, on va voir l'augmentation du forfait jour à l'hôpital, plein d'idées comme ça. Dans cette idée-là, il y a un nouvel impôt qui va arriver sur les fiches de paie, c'est la CRDS, donc de réduction de la dette sociale, contribution à la réduction de la dette sociale. Donc déjà, on avait la CSG qui était l'impôt en 91 créé par Rocard sur l'idée que si c'est un impôt, c'est à l'État de gérer la sécurité sociale. Donc là, on a un deuxième impôt et une augmentation de la CSG. Donc c'est encore plus à l'État de gérer la sécurité sociale, vu que en fait, la sécurité sociale, il y a plein d'argent qui vient des impôts, de ces deux impôts-là. Parce qu'on a baissé les cotisations. On a augmenté la CSG, on a créé la CRDS et on a baissé les taux de cotisation. Donc, le plan de Juppé, il va vraiment axer sur ça. Après, dans le plan Juppé, il y a l'augmentation du temps de travail pour les fonctionnaires. Il faut savoir qu'en 1993, le privé est passé de 37,5 à 40, réforme Balladur. Et du coup, il y a un truc de dire pourquoi le privé travaille 40 ans et les fonctionnaires 37,5. Donc, il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas 37,5 qui est choisi, c'est plutôt 40 comme pied d'égalité. Et du coup, le plan Juppé prévoit l'augmentation du temps de travail pour les fonctionnaires et la suppression. Dans l'idée de base, les premiers écrits du plan Juppé, c'est la remise en cause des régimes spécifiques qu'on a eu très récemment de retraite. Le plan Juppé, il y a tout aussi plein d'ordonnances qui vont, donc sur le troisième pan un peu, qui vont prévoir notamment la mise à contribution. Vu que c'est la CSG par exemple, vous allez être imposé, les retraités vont, on va demander aux retraités, aux chômeurs, aux gens qui touchent des allocations familiales, de plus contribuer à la sécurité sociale, et en échange on va geler les allocations familiales, on va faire de l'austérité. Donc il y a étatisation de la sécurité sociale, retraite, austérité. On va faire un petit package du plan Juppé. Et sur ce plan Juppé, il faut savoir que ce qui va faire commun entre toutes les professions. Mais il y a en même temps, dans les années 90, une conjonction de privatisation, c'est-à-dire qu'on va avoir privatisation de France Télécom, séparation des PTT, donc déjà France Télécom, La Poste, donc qui est très récente pour les gens, projet de privatisation d'EDF qui va arriver en 96 réellement, mais déjà en 95, donc l'idée c'est de correspondre au traité de Maastricht, c'est du coup de privatiser, d'ouvrir à la concurrence européenne tous les services publics. Il y a cette voie-là, il y a la RATP qui est concernée, c'est la fin de l'entreprise nationale de la RATP qui est prévue. Donc on a une conjonction et celui qui est le plus connu, c'est le contrat de plan de la SNCF, parce que c'est celui qui va le plus mettre le feu aux poudres. Le contrat de plan de la SNCF, il prévoit... Donc déjà l'ouverture, la séparation qui va arriver 2 ans plus tard du réseau ferré de France, c'est-à-dire de la maintenance à l'exploitation, de séparation de la maintenance à l'exploitation, donc à la SNCF, ce qu'on a aujourd'hui, qui permet à des, avec des années plus tard, d'avoir des acteurs tiers, type la RENFE, d'intervenir sur les voies ferrées de France et de faire rouler des trains. Donc il y a cette idée-là déjà, et cette idée-là, elle va avec l'abandon du statut cheminot, c'est-à-dire de l'arrêt des recrutements au statut cheminot, c'est-à-dire on ne va pas enlever le statut des cheminots qui l'ont déjà, mais plutôt on va recruter par voie de contractualisation, CDD puis CDI. Et enfin, ce qui va un peu, pour moi, cristalliser beaucoup et qui explique beaucoup, j'y reviendrai sur l'implantation de la grève, c'est la question des suppressions de lignes. Il faut savoir que le réseau ferré de France était beaucoup plus important avant qu'aujourd'hui. Et en 1995, on prévoit 24 000 kilomètres de lignes à la fermeture, et notamment des déserts ferroviaires. Donc c'est ça qui va aussi un peu cristalliser. Sur la situation sociale, la conjoncture sociale, 95, donc il y a ces contre-réformes et il y a ce que j'appelle moi, il y a une crise du chômage, on est en forte augmentation du chômage, une crise dans le travail parce que toute cette le management néolibéral qui est entré dans plein d'entreprises et notamment dans les entreprises publiques fait que voilà, il y a une perte de sens pour beaucoup de fonctionnaires de leur activité de travail et on va dire une dichotomie entre pourquoi ces personnes-là se sont engagées dans la fonction publique et le travail prescrit sur l'augmentation des recettes. Si on prend les cadres recrutés à la SNCF en 90-93, c'est vraiment des profils école de commerce, école de management, qui vont enseigner aux cheminots de comment on fait des bénéfices. Et il n'y aura plus du tout l'itinéraire qu'on avait avant, et c'est vraiment la fin de cet itinéraire-là, de personnes qui passent de cheminot à cadre à la SNCF. Là, vraiment, on recrute des cadres externes acquis au néolibéralisme. Ce qui explique... je vous ai fait un paysage rapide de la situation économique, mais ce qui explique le mouvement de 95, il y a aussi des causes... il y a des agents de cristallisation, on appelle ça, mais des personnes qui poussent à la mobilisation. Donc c'est pas, il y a dans l'histoire 1000 raisons de se mobiliser à n'importe quelle époque. Il faut qu'il y ait les conditions pour se mobiliser. Or, en 95, au début de l'année, c'est pas l'optimisme qui règne dans le syndicalisme. Je vous ai mis la courbe de la syndicalisation en France. On voit que la décrue syndicale, c'est la fin des années 70 jusqu'en 95. Après, on est dans une stabilisation. Mais en janvier 95, pour les syndicalistes, on n'est que sur une période de baisse. Et la baisse, ce n'est pas que les effectifs. C'est une union locale qui ne vit plus. La majorité des unions locales n'ont plus d'activité. Les réunions de l'UD, il y a moins de monde. Les réunions des sections syndicales, c'est très rare. Donc on a ce système-là. Moi, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais j'avais noté les facteurs externes et internes à cet état du syndicalisme en France. Je les ai mis, mais je pense que ça ne sert à rien de trop s'y attarder. Si jamais il y aura des questions, on pourra en reparler. Les acteurs sociaux, il y a le syndicalisme, il y a la gauche. La gauche, c'est quoi l'état de la gauche en 1995? On a d'un côté le Parti Socialiste qui a été plutôt acquis en partie au néolibéralisme, qui a mis en place des contre-réformes, qui s'est opposé à des revendications syndicales. C'est aussi la fin de Mitterrand. Mitterrand a arrêté sa carrière politique. Et il y a ce qu'on appelle un peu un conflit de famille entre les chefs de file, donc Rocard, Delors, Jospin, Fabius, Emmanuelli. On est vraiment dans cette époque-là où il y a un conflit ouvert au Parti Socialiste. Rocard va dire quelque chose, Emmanuelli va s'y opposer publiquement. Et on a beaucoup cela qui est mis en scène un peu dans les médias de manière régulière. Et 1995, c'est aussi l'affaiblissement de la gauche parlementaire. Il y a seulement 57 socialistes parlementaires en 1995. Et c'est pas parce qu'il y a plein d'élus de la France insoumise ou des écologistes. Hein. C'est le plus gros groupe de gauche, 57 socialistes. Et on a la droite qui est ultra majoritaire au Parlement en 1995. Parce que le Parti communiste, autre force de gauche, moi j'ai travaillé sur Lot-et-Garonne notamment, les Landes. On a beaucoup moins d'événements. Les événements, au lieu de, par exemple, la fête du pain, il y avait, en 1988, il y avait 1500 personnes. En 1994, il y a 300 personnes. On est sur une perte assez franche dans les événements organisés par le Parti communiste, du nombre de personnes qui assistent. Il y a un vieillissement, il y a des échecs électoraux, c'est la fin de Georges Marchais. Il y a Robert Hue qui écrit son livre en octobre, donc un mois et demi avant le mouvement, La Mutation, pour essayer de se détacher de l'image du Parti communiste. Et il y a une forte opposition interne. Donc on n'est pas dans une situation de... Et notamment les sections d'entreprise du Parti communiste n'ont une activité que sur le papier pour la majorité des cas que j'ai pu étudier. Il n'y a pas de réunion, il y a quelques tracts qui sont diffusés, mais qui sont les tracts nationaux. On reprend les tracts nationaux et on les diffuse. Après, il y a toujours dans la gauche, donc dans ce qui est considéré comme l'extrême gauche, il y a toujours... cinq forces un peu importantes, le Parti des Travailleurs, la Ligue communiste révolutionnaire, Lutte ouvrière, Alternative libertaire, qui est un peu plus petit, la Fédération anarchiste, et j'ai noté l'Organisation communiste libertaire, mais ces organisations-là, elles ont des existences plutôt en ville, mais elles ont un impact sur les mouvements sociaux, et voilà. Donc la gauche qui n'est pas en... La gauche n'est pas non plus une force, en tout cas n'est pas en recrudescence de ses activités. Et pour certains sociologues de l'époque, c'est qu'on est dans une période de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est sur la fin de la classe ouvrière, le syndicalisme est quelque chose du temps passé, la gauche parlementaire devrait s'adapter à ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, ce que Alain Touraine et son école appelle les nouveaux mouvements sociaux. Et il est vrai qu'entre la fin des années 80 et 95, il y a une création de nombreuses associations qui interviennent sur la question sociale. Bon, ACT UP se fait connaître sur l'obélisque à Paris, la création du DALÉ en 90, Agir contre le chômage en 93, qui vont mettre en place des luttes. Et la CADAC, que je vais vous présenter après, aussi au début des années 90. Moi, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que ces organisations ont une influence sur le mouvement social, donc c'est important d'en parler, parce qu'elles vont participer à l'effort de mobilisation. Mais contrairement à ce que pense Alain Touraine, il n'y a pas une concurrence entre nouveaux mouvements sociaux et anciens mouvements sociaux. Au contraire, 95 va permettre l'unité entre ces formes d'organisation et de militantisme. Du coup, moi je vous présente ce schéma qui est mon schéma de mise en mouvement. Il y a quatre facteurs pour moi de la mise en mouvement. Il y a la conjoncture politique que je vous présentais. Il y a une conjoncture sociale. Donc la conjoncture sociale, c'est une mobilisation de fonds pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que le mouvement, c'est, je vous ai pas dit, mais le mouvement c'est 24 novembre, 16 décembre 95, le gros du mouvement. Et on est en janvier 95, on a des manifestations à 10 000 personnes pour la sécurité sociale, parce que c'est les 50 ans de la sécurité sociale. Et Force ouvrière, la CFDT, la CGT font des grands meetings en janvier, février 95 pour les 50 ans de la sécurité sociale. Pendant toute l'année, dans les entreprises, il y a des pétitions sur Sauver la Sécu qui vont être distribuées. Il y a un vrai travail de fond sur les 50 ans de la sécurité sociale. Parce que le syndicalisme se dit que, contrairement à ce qui est mis en avant à l'époque, c'est pas le syndicalisme refuserait des réformes. Par exemple, Force ouvrière, un livret de 40 pages, la CGT, une trentaine. Bon, bref, chaque organisation syndicale a énormément de propositions pour la sécurité sociale. Et les syndicats la mettent en avant toute l'année. Il y a des grosses grèves en avril, en mai, à La Poste, à France Télécom, à EDF. Il y a eu en 1995 un nombre de préavis très très très important à la SNCF, c'est-à-dire entre janvier et octobre, il y a 716 préavis de grève, dont 21 d'ampleur nationale à la SNCF. Il faut s'imaginer, voilà, c'est Christian Chevandier, qui est historien de la SNCF, qui dit tout est prétexte à l'Assemblée Générale en 1995. On est vraiment sur une forte mobilisation. Voilà, moi, je raconte des grèves voilà, à Bar-le-Duc de la plateforme Messagerie, qui va mobiliser des centaines de personnes qui ne seront pas en grève en 95, en décembre. Des agents de la DDE qui mènent des semaines de grève en juin en Ariège pour le maintien de postes et la création de postes. Donc on est vraiment dans les entreprises publiques, une vraie et les services, administration publique, on est dans une vraie forte mobilisation, moins dans le privé plus classique, mais dans les entreprises publiques et les administrations, il y a vraiment. Tout ça conduit. Avec en plus les discours d'Alain Juppé et Jacques Chirac qui sont assez stigmatisants sur les fonctionnaires et qui annoncent le 4 septembre le gel des salaires des fonctionnaires alors qu'il y a une période d'inflation pour janvier 1996. Donc tout ça amène à la journée du 10 octobre. Le 10 octobre, c'est une grande grève, c'est une grève historique dans la fonction publique. C'est d'ailleurs les plus forts taux de grève en 1995. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant le mouvement qu'il y aura eu le plus fort taux de grève, c'est le 10 octobre. Par exemple, les grèves dans les préfectures sont majoritaires. Il y a plus d'un agent sur deux des préfectures qui va être en grève. Il y a voilà, en moyenne, en fonction des administrations et services, entre 60 et 70% de grévistes. Voilà, c'est assez impressionnant. Par contre, les manifestations sont assez faibles. Le mode d'action, c'est vraiment la grève. Il y a, en contrepartie, on va voir que la manifestation s'impose plus en novembre-décembre. Donc ce contexte social, il favorise le mouvement, mais il n'explique pas tout seul, parce que ce qui explique aussi, c'est le fait qu'il y ait une dynamique unitaire, des appels généraux nationaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des appels par fédération, il n'y a pas d'intersyndicale nationale, comme aujourd'hui, il n'y a pas une intersyndicale CGT, CFDT, FO, il y a plutôt une intersyndicale de la fonction publique, des intersyndicales à la Poste, des intersyndicales aux cheminots, qui structurent le mouvement et qui, en novembre, lancent des appels à la grève. Il y a en fait ces appels à la grève, ils sont aussi lancés par des intersyndicales départementales. Dans les boîtes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les réunions de syndicats mobilisent beaucoup plus qu'à l'habitude. Enfin, moi, je prends la réunion je sais pas, du SGEN CFDT du 18 novembre à Toulouse. D'habitude, ils étaient entre 10 et 20. Et là, à la réunion du syndicat, ils sont 92. Donc, qui explique le nombre, explique aussi cette motivation qui peut, qui explique, enfin, voilà, qui pousse à appeler à la grève, la participation massive aux réunions syndicales. Voilà. Donc, il y a cette conjoncture de ce que j'appelle élément précurseur, donc qui est toute cette période du mois de novembre où va vraiment y avoir. Peu ça. Après, il y a les événements d'étincelles, qui sont de un, le premier, mais c'est la reconduction des cheminots. C'est-à-dire que tout le monde était en attente de voir qu'est-ce qui allait se passer à l'Assemblée générale des cheminots les 24 novembre. Sachant que déjà, la CFDT cheminots avait appelé à une grève reconductible jusqu'au mardi 28, et que la force ouvrière, les syndicats autonomes avaient aussi déposé des préavis et la CGT aussi avait déposé des préavis. Donc il y avait quand même du côté syndical une attente de la reconduction de la grève. Et que cette reconduction de la grève elle soit unanime dans les AG cheminots, enfin presque unanime dans les AG cheminots, ça a fait un événement d'étincelle dans la plupart des participants aux manifs. Mais aussi il y a on va dire, un élan dans la manifestation du 24 novembre, c'est-à-dire que comparé à la manif du 10 octobre, les manifs du 10 octobre, les témoignages, les photos qu'on peut avoir, c'est manifestation, on va dire, un peu plan-plan, plus classique. On discute avec ses collègues. Le 24 novembre, il y a vraiment, voilà, des cortèges qui courent, qui crie. Il y a cette émulation dans la rue qui est pour moi un facteur d'étincelle. Il y a le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est une journée de défense de l'avortement et contre l'ordre moral. Il faut savoir que les années 90, c'est une montée des mouvements réactionnaires. Le pape soutient d'ailleurs ces mouvements anti-avortement. Il y a une manifestation de 40 000 personnes à Washington. Il y a des manifestations de 10 000 personnes en début d'année à Paris pour la vie. Il y a des commandos qui attaquent des avortements. Bon, voilà, il y a tout ce contexte. Et en même temps, bon, il y a une baisse des financements pour le planning familial, déjà, qui est dénoncé par un communiqué qu'elles font le 16 octobre. Et il y a un non-accès à l'IVG qui fait que encore de nombreuses femmes doivent partir en Espagne ou en Angleterre pour avorter. Et cette manifestation, du coup, elle est appelée par 146 organisations. Et même, ce qui est assez un fait historique, par Force Ouvrière, qui d'habitude n'appelle pas sur les questions sociétales, et qui dit, au vu de l'enjeu et au nom de la sécurité sociale, on appelle à la manifestation du 25 novembre. Cette manifestation, du coup, elle est construite par la CADAC, la CADAC qui réunit des militantes féministes, mais des militantes aussi d'organisations syndicales. Donc c'est pour ça que moi, ce que je montre, c'est que du coup, il y a un lien. La préparation de la manifestation du 25 novembre, elle crée des cadres unitaires qui vont servir à la mobilisation, au mouvement général. Elle va créer aussi un élan, c'est-à-dire qu'on a le 24 novembre qui est réussi, grosse manifestation, reconduction des cheminots. Le lendemain, il y a une manifestation féministe. Il y a 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes à Paris, 30 000, je crois. Les cheminots qui vont à la manifestation, qui voient tout ce monde dans la rue, ça leur donne de plusieurs témoignages que j'ai eu de l'élan pour reconduire jusqu'à mardi. Donc voilà, il y a toute cette dynamique-là. Et la mise en grève donc il y a ce week-end qui est passé grâce à la manifestation féministe. Et le lundi, comment on peut expliquer cette contagion de la grève qui du coup reconduite que par les cheminots le 24 novembre, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de mise en grève par délégation. Les cheminots, le lundi, après avoir passé le week-end, avoir cet élan, ils vont prendre comme première décision de, à la fin de leur assemblée générale du lundi matin, partout, ils vont aller aux entreprises les plus proches pour essayer de les mettre en grève. Ça va avoir un succès notamment au centre de tri postaux, qui vont être les deuxièmes à se mettre en grève. Pourquoi ? Parce qu'en 1995, les centres de tri postaux sont encore accolés aux gares. Et on a un service qui s'appelle les transbordements. Et au transbordement travaillent des agents SNCF et des agents de la Poste. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc quand les agents des centres de tri postaux voient débarquer des cheminots dans leur lieu de travail en disant « Assemblée générale », il y a un succès parce qu'il y a une proximité géographique et une proximité de sociabilité, c'est-à-dire les gens mangeaient ensemble le midi dans leur travail habituellement. Et ces mises en grève par délégation ont par contre échoué massivement dans le privé. Je prends l'exemple de Bordeaux, où les cheminots partent de la gare, ils traversent cours de la Marne, ils vont essayer de trouver toutes les entreprises privées sur leur passage. Et vu qu'ils n'ont pas pris de contact en amont avec des syndicalistes, que ce n'est pas des gens avec qui ils travaillent au quotidien, mais la grève va échouer, et la mise en grève va échouer. Et la mise en grève, elle a réussi au final dans ces phénomènes de délégation à deux conditions, donc soit par cette connaissance professionnelle, géographique ou interpersonnelle, soit dans une préparation, c'est-à-dire qu'on va avoir après des phénomènes en fin de semaine ou la semaine suivante, où on prépare, c'est-à-dire on va envoyer un cheminot, quelqu'un des impôts, une personne enseignante, faire une délégation commune qui a été préparée avec le syndicaliste ou la syndicaliste de l'entreprise visée. Et on réfléchit, est-ce que, par exemple, je prends le cas de Digne, à Digne, l'équipe de jour, elle est peu syndiquée du centre de tri postal. Et donc la première mise en grève, elle échoue parce qu'ils y vont la journée. Par contre, l'équipe de nuit, elle est plus syndiquée. Il y a deux syndiqués sur 20, c'est bien. Il y en a deux de plus par contre que la journée. Et le fait que, il y ait un peu plus de syndiqués et que les gens aient un travail plus difficile, ben les syndicats se disent, ben, là, il y a plus d'options pour mettre en grève. Donc, on va organiser ça et on va faire une intervention à la prise de poste de nuit et pas à la prise de poste de jour. Et donc, ça, ces réflexions stratégiques, elles permettent d'avoir une réussite de la mise en grève. Voilà, je vous avais présenté une petite photo de la manif du 25 novembre et le tract d'appel. Et ce qui est intéressant dans le tract d'appel du 25 novembre, c'est que c'est pas une manif. Donc, comme je vous dis, c'est une manif qui est appelée autant par des assos féministes, une cohorte féministe non mixte, mais aussi le DAL, des mouvements antiracistes et des mouvements syndicaux. Et quand on voit les quatre mots d'ordre, c'est le droit à l'avortement et à la contraception, le droit à l'emploi, une réelle égalité entre les femmes et les hommes, et contre la remontée de l'ordre moral, c'est-à-dire voilà, contre la fascisation. De la société. J'ai peut-être sauté parce que vous êtes déjà sociologue, ça c'est des présentations. Moi, en tout cas, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que je pense que des fois, en tant qu'historien, quand on lit de la sociologie des mouvements sociaux, on a l'impression que des fois, il y a un peu des paradigmes ou des théories qui vont un peu s'opposer. Moi, je trouve qu'il y a, même dans des théories un peu anciennes, il peut y avoir des choses un peu intéressantes à apprendre. Et en tout cas, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans ma thèse, c'est plutôt qu'il y a autant des facteurs émotionnels qui sont importants, autant un modèle politique, c'est-à-dire les gens se mobilisent sur des questions très politiques. Il y a une dimension ultra stratégique au moment de 95. Autant il y a des choix rationnels dans le sens que, bah, oui, si les gens se mettent en grève, c'est parce qu'ils vont perdre 2 ans et demi de leur. Une personne dit 20 jours de grève contre 2 ans et demi de travail. Voilà, bah, c'est sûr que ça vaut le coup. Si on prend rationnellement le choix, on perd moins d'argent à faire 20 jours de grève que travailler 2 ans et demi supplémentaires. Et il y a une question, bah, la théorie des ressources, elle est ultra importante parce que, en fait, sans les groupes actifs, sans les syndicats, il n'y a pas de grève. En 95, donc bon. Je vais parler vite, plus rapidement de la structuration du mouvement. La structuration du mouvement, avant de l'aborder, pour que vous soyez un peu au fait, parce que tout le monde n'a pas étudié le mouvement de 95, il y a un ancrage territorial qui est très différencié. C'est-à-dire le mouvement de 95, il est assez faible dans le nord-est et dans le nord. Même s'il y a une manif le 12 décembre qui est assez importante à Lille, mais sinon, de manière structurelle, le nord-est et le nord sont plus faibles, et la région parisienne est assez faiblement en manifestation. Alors ça, c'est les pourcentages de la population en manifestation le 12 décembre. C'est-à-dire qu'il y a des régions où il y a 10% de la population qui est en manifestation, et c'est notamment Basse Normandie, la Normandie plutôt, l'Auvergne, le Limousin, les Midi-Pyrénées. Marseille aussi, c'est un lieu fort du mouvement. Voilà, on a des villes très très importantes aussi comme Roanne, ou en termes de pourcentage de la population manifestation qui est très important. Petite question simple, population totale, population adulte ou population Total. active? Total. Ouais. Population totale, donc c'est quand même des chiffres assez importants de manifestation. Et les facteurs explicatifs pour moi de ce ancrage territorial différencié, non, ce qui avait déjà été montré, c'est la question de la prégnance des services publics dans l'emploi. Plus on a un pourcentage d'emplois qui est occupé par les services publics, plus bah, il y a de pourcentage de gens en manifestation. Le nombre de fonctionnaires proches de la retraite, donc il faut savoir que par les jeux des mutations, dans le sud de la France, on a plus de chances d'y arriver plus tard dans sa carrière et donc d'être plus enclin, donc dans des choix rationnels, de se dire à 50 ans, on réfléchit plus à l'arrivée en retraite qu'à 30. Donc il y a ce choix-là. Mais moi, le facteur déterminant, je trouve plutôt celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'implantation de syndicats favorables à la mobilisation. C'est-à-dire que si on prend Basse-Normandie, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, c'est là où la CFDT contestataire et Marseille. Enfin, mais Marseille a la moins de poids, donc la CFDT aussi, c'est pour ça que ça explique la forte mobilisation à Marseille. C'est là où la CFDT contestataire est forte et dominante, donc ces régions-là. Et donc on a un intersyndical qui est CFDT, CGT, Force ouvrière, FSU. on a une intersyndicale beaucoup plus importante. Alors que dans les autres départements, par exemple, si je prends le cas de la Lorraine, la CFDT s'oppose à la mobilisation, et donc on a une intersyndicale CGT, FO, FSU, et la CFDT étant très forte dans le nord-est à des bastions, ça permet moins l'ancrage, le développement du mouvement. Le mouvement, donc fonction publique, EDF, SNCF, Éducation nationale, Poste, France Télécom, on voit qu'il y a deux grèves reconductibles qui sont dans l'ancrage professionnel qui sont un peu fortes, c'est SNCF, on en a beaucoup parlé, et une qu'on a beaucoup moins parlé, mais qui est très importante, c'est celle de EDF-GDF. Il y a plus de, en termes de longévité de la grève, donc là on s'arrête, mais EDF-GDF, ils finissent le 21 décembre, donc ils ont 2 jours de plus que les agents, les cheminots. Et bon voilà, c'est les agents EDF, c'est aussi plein d'actions, coups de poing assez importantes. Et c'est pareil, les facteurs explicatifs, on a l'implantation de syndicats favorables à la mobilisation, CGT étant dans des bastions à EDF, à la SNCF, et à la Poste et France Télécom, on a la création des Suds qui vient appuyer une CGT très forte. Donc on a les syndicats les moins contestataires qui sont assez affaiblis. Et l'éducation nationale, on a la FSU naissante qui est dans une voie de mobilisation très importante. Et moi, j'ai parlé de facteurs explicatifs, j'ai mis 2 autres éléments, c'est les enjeux de privatisation et la structuration ouvrière des administrations. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est que plus la grève est individuelle, comme dans l'éducation nationale, plus vous allez avoir ces pics. C'est-à-dire que voilà, si la grève est pas un choix collectif, voilà, par exemple, chez les mineurs, il n'y a pas de grève à 10%. Je prends l'exemple exprès parce qu'en 1995, il y a une forte grève des mineurs en Lorraine. Voilà, la grève, c'est soit 90%, soit pas de grève. Donc ça, c'est une structuration ouvrière de la grève pour moi. Et après, il y a les structurations plus individualisées de la grève, comme l'éducation nationale, où là, on a des taux de grève très variables. Et ce que j'ai essayé de montrer aussi, je prends un exemple dans ma thèse d'un lycée à Nice, où les personnes ne participent en moyenne qu'à 2 journées de grève sur 6. Et il y a des gens qui vont faire le 12 décembre mais qui ne vont pas faire le 5 décembre, et des gens qui ont fait le 5 et qui ne vont pas faire le 12. Donc il n'y a pas une journée de grève qui rassemble tout le monde. Il faut savoir, c'est ça, c'est la grève individualisée, c'est on va faire le 5, on va pas faire le 12, on va faire le 16. Et bon, voilà, c'est ça qui explique aussi un peu l'ancrage professionnel. J'ai aussi un peu mis en avant la question de la dynamique de genre, parce qu'en 1995, donc, ça a été étudié par Josette Tratt, notamment dans un article, mais bon, après il y a eu tout un numéro sur le sujet, mais on a souvent mis en avant les cheminots dans la grève, donc qui dit on met en avant un corps professionnel qui est très masculinisé, donc déjà on a oublié de parler des cheminotes, mais en plus, il faut savoir que, donc moi ce que j'ai étudié, c'est sur les renseignements généraux, ils vont étudier combien il y a de pourcentage de personnes en grève par département. Par exemple, je prends le cas du Lot-et-Garonne, si on a 90% de grévistes à la SNCF, ça représente 14 personnes. Par contre, si on a 50% de grévistes dans l'éducation nationale, ça représente 1100 personnes, je ne sais plus combien, 1100 environ. Mais 1100 dans un corps où il y a 70% de femmes. Donc vous voyez bien que les 21 cheminots du Lot-et-Garonne, on va en parler plus que les 700 enseignantes. Et donc, la grève reconductible, elle est plus masculine parce qu'elle est à EDF-GDF dans des centres de tri postaux où c'est quand même encore très masculin, et SNCF. Par contre, les cortèges des manifestations sont plus féminisés et à dominante féminine, parce que notamment il y a beaucoup de lycéennes, beaucoup d'étudiantes. Je prends aussi l'exemple des manifs de chômeurs à Marseille, qui est un gros cortège, et ben c'est quand on voit les photos, c'est principalement des femmes en fait, parce qu'il y a plus de femmes au chômage. On va passer à la structuration du mouvement. Je vais vous en dire 2 mots. Moi, j'ai essayé de mettre en... J'ai travaillé à 3 échelles. J'ai travaillé à une échelle micro de collectif, à une échelle départementale ou de ville, et à une échelle nationale. Sur l'échelle micro, ce qu'on peut dire, c'est que majoritairement, les gens qui font grève reconductible, c'est des non-syndiqués, ou qui s'impliquent de manière régulière, c'est des non-syndiqués. Par contre, dans les assemblées de salariés, il y a un pourcentage de syndicats, enfin, c'est-à-dire que, par exemple, chez les cheminots, va y avoir plus de, les syndicalistes vont plus participer aux assemblées générales que les non-syndiqués. Les non-syndiqués vont faire grève, suivre les décisions de l'assemblée générale, mais sans forcément y aller tout le temps. Donc, l'assemblée des salariés, elle va être vraiment devenir une institution en 95, c'est-à-dire que qui dit grève dit assemblée. C'est à peu près la volonté, en tout cas, de la CGT, de la FSU, de la gauche CFDT. Il y a une volonté de appeler à les assemblées générales. Et l'assemblée de salariés, elle va voter la grève, elle va proposer des actions. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle discute à partir des propositions syndicales. C'est-à-dire que l'assemblée des salariés ne s'oppose pas au syndicat. Le syndicat, c'est-à-dire la CGT principalement, parce que la CGT se retrouve dans tous les collectifs de grève, alors que les autres syndicats se retrouvent de manière plus éparse dans les collectifs de grève, ou les intersyndicales, donc CGT et intersyndicales, vont proposer des actions et décider des modalités de grève, c'est-à-dire est-ce qu'on fait grève 4 heures, est-ce qu'on fait grève une journée. C'est-à-dire l'Assemblée des salariés vote la grève, le principe de la grève, mais l'intersyndicale et les syndicats gardent un pouvoir de pratique sur la grève et de coordination du mouvement. Et ce pouvoir, il est très peu remis en cause, donc il est remis en cause vraiment à la marge par plutôt des anarchistes ou des autonomes, mais de manière générale, le pouvoir syndical est plutôt accepté dans la grève de 95. Au niveau territorial, il y a, donc pareil, c'est CGT à Inter-UD, dans les grandes villes, qui vont impulser, proposer des actions interpro. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre territoires plus ruraux et territoires urbains. Territoires urbains, vraiment, c'est le pouvoir syndical et on ne va pas ouvrir les intersyndicales à des individus. Par contre, on va pouvoir ouvrir les intersyndicales quand même à des associations et collectifs. Donc il y a des, par exemple, il y a des le DAL, la CADAC, qui vont participer à des RAL Front, qui est invité à des intersyndicales pour organiser des manifestations. Et par contre, en territoire rural, on a des coordinations qui existent. Donc on a plusieurs territoires ruraux qui s'organisent en coordination et à l'appel de la CGT. C'est pas une coordination à côté des syndicats, hein, c'est une coordination avec les syndicats. Les partis de gauche, ils apportent un soutien logistique, et notamment on le voit dans les mairies. Les mairies, je prends un exemple, par exemple, les lycéens de Foix, les lycéens de Foix, ils arrivent à aller à Toulouse en manif parce que le maire va financer le bus. Par contre, dans les villes de droite, le maire ne finance pas le bus et les lycéens restent bloqués et manifestent sur place. Et du coup, le soutien logistique, on a aussi des maires dans l'Aude qui vont faire des chèques à la caisse de grève au nom de la mairie. On a des communiqués de soutien des mairies. Donc les mairies de socialistes et communistes vont vraiment se mobiliser avec le mouvement et apporter un soutien logistique assez important. Au niveau national, la gauche, elle est plus absente. C'est-à-dire qu'on va avoir un soutien du Parti communiste, mais qui est pas dans une impulsion qu'il a pu avoir dans d'autres mouvements plus passés. Et le soutien, il va plutôt venir du mouvement intellectuel, avec notamment, on retient Pierre Bourdieu, mais avec un mouvement intellectuel très fort, et ce que moi j'ai montré, qui est assez jeune, plus de femmes que d'hommes, de jeunes chercheuses notamment, et qui se réunit notamment à Paris, rue du Dragon, et qui va impulser... des cadres intellectuels au mouvement. Et donc on a ce cadre. Et au niveau syndical, professionnel, on va vraiment avoir les intersyndicales au niveau national. Il n'y a pas de coordination comme on a pu le penser au milieu des années 90, que le modèle de coordination allait s'imposer au vu de la coordination des infirmières. Donc je ne vais pas revenir sur cette histoire ou des coordinations cheminotes. Il n'y a que la corde étudiante qui existe en termes de coordination. Et du coup, ça a fait qu'au final, moi, j'ai fait un schéma qui est un peu plus compliqué. Mais je pourrais vous le faire passer, mais c'est un peu voir les éléments. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a, en forme de communication, il y a le fax et le fax, c'est le mouvement du fax, 1995. Ça ne retiendra pas trop, mais c'est assez important. Et le début des téléconférences aussi, de manière aussi importante, on a amélioré la technique. Donc, il y a plus de démocratie entre les syndicats départementaux et la direction nationale. C'est-à-dire la direction nationale va vraiment beaucoup plus s'appuyer. Et d'ailleurs, on a plus de remontées que descentes. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va vraiment, même s'il est impulsé par le haut, il va y avoir beaucoup plus de remontées que de descentes. Et voilà. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 dans l'émission du Grémos et on vient d'écouter la conférence de Rémi Azémar, spécialiste d'histoire des mouvements sociaux et syndicaux de l'Université de Rouen, qui présentait les conditions d'émergence et la structuration du mouvement social de 1995. Je vous invite à écouter ou réécouter la première émission de cette série consacrée aux mouvements sociaux de 1995. Elle est à retrouver sur notre site internet www.gremos.fr ou sur radiodio.org à l'onglet podcast. Notre invité du 8 janvier dernier était Serge Proust, maître de conférence émérite en sociologie, qui s'exprimait sur ces mêmes mouvements sociaux de 1995. Alors, cette série d'émissions que nous vous proposons vient en prélude des 8e rencontres d'histoire ouvrière que le Grémos a programmées pour les jeudis 11 et vendredi 12 décembre 2025 et qui s'attacheront à étudier le grand mouvement social de l'automne 1995. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'infos. Voilà, donc je vais remercier Serge Proust pour la captation sonore de la conférence et je remercie également Rémi Azémar pour sa contribution. C'était Karine Pétel au micro et à la technique. Amis auditrices et auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 14 mai 2025 à 18h. Cette émission sera consacrée au retour des prisonniers de guerre et nous recevrons en studio Caroline Costil des Archives municipales de Saint-Étienne et Jean-Michel Stenner, historien spécialiste d'histoire sociale. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.